إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، لما أهبط الله أبانا آدم وزوجته إلى الأرض قال الله عز وجل لهما: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأخبر الله عز وجل أبانا آدم أن مستقره وذريته في الأرض إلى وقت محدد، ليس إلى الأبد. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال الله عز وجل في سورة أخرى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. أيها المسلمون، كتب الله الموت على كل الخليقة، وكل صائر إلى ذلك، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله عز وجل في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالموت إذن قضاء الله النافذ وحكمه الماضي في الخليقة كلها، أن العبد له في الدنيا أجل محدود، متى انتهى ذلك الأجل وانقضى جاء الموت بحكمة الله جل وعلا. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ومهما فر العباد فلن يستطيع الفرار ولن يستطيع الهروب. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولن تستطيع أيها المسلم وأيتها المسلمة، لن تستطيع أن تتحصن منه بأي وسيلة كانت. قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والموت لا يعرف كبيرا ولا يرحم صغيرا، والموت لا يفرق بين الغني والفقير، ولا بين المرأة والرجل. قال الشاعر: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. Chers musulmans et musulmanes, lorsqu'Allah Azza wa Jal a fait descendre notre père Adam et notre mère Hawa alayhim assalam, lorsqu'il les a fait descendre du paradis vers la terre, il leur a dit, et pour vous, il y a une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps, c'est-à-dire pour un temps bien déterminé, pour un temps décompté. Allah Azza wa Jal a donc informé Adam alayhi salam, ainsi que toute sa progéniture qui le suivra par la suite, que leur vie sur terre est bien déterminée. Il dit subhanahu wa ta'ala dans une autre surah, dans surah Al-A'raf, c'est dans celle-ci que vous vivrez, et c'est dans celle-ci que vous mourrez, et l'on vous fera ressortir, et c'est de celle-ci que l'on vous fera ressortir. La mort est la prescription d'Allah Azza wa Jal sur toute créature. Et toute créature, quelle que soit celle-ci, est vouée à la mort, est vouée à la disparition. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, chaque âme goûtera à la mort, et vous recevrez votre entière contribution le jour du jugement. Celui donc qui sera écarté de l'enfer et entrera au paradis aura alors réussi. Et quant à cette vie d'ici-bas, ce n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Et il dit subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il y a, c'est-à-dire dans cette terre, est éphémère, et il ne restera que le visage de ton Seigneur, celui qui est doté de noblesse et de majesté, subhanahu wa ta'ala. C'est une prescription qui ne fait exception à personne. Tout être humain, toute créature est vouée à mourir. Et lorsque son terme arrive, lorsque sa durée de vie est arrivée à terme, alors Allah Azza wa Jal envoie la mort par sa sagesse Azza wa Jal, et en aucun cas il ne retarde le rendez-vous. Allah Azza wa Jal dit selon le sens, et Allah ne retarde pas une âme dont le terme est arrivé. Et quels que soient les moyens que tu peux mettre en œuvre, quelles que soient les inventions que tu peux inventer afin d'éviter la mort, de te sauver de celle-ci, de lui échapper, eh bien, tu n'y arriveras pas. Personne n'arrive. Personne n'arrivera à échapper à la mort. Allah Azza wa Jal dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, dit la mort dont vous vous sauvez, elle vous rencontrera certainement. Puis, vous serez retourné et vous serez ramené vers celui qui a la parfaite connaissance du monde de l'invisible et du monde du visible, et il vous informera sur ce que vous faisiez. Subhanahu wa ta'ala. Aucun moyen ne te permettra de te protéger de la mort. Il dit subhanahu wa ta'ala, où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous êtes dans des tours, au-dessus de tours, imprenables, tellement elles sont hautes en altitude. Et la mort ne fait de différence ni avec le grand, ni avec le petit, ni avec le jeune, ni avec le vieux. La mort, lorsqu'elle vient, elle ne connaît ni la femme ni l'enfant. Elle n'a aucune miséricorde sur le petit enfant et elle n'a aucun répit vis-à-vis du vieillard. Un poète a dit, prends des provisions par la piété, car tu ne sais pas lorsque la nuit viendra, vivras-tu jusqu'à l'aube. Et combien d'enfants jouaient matin et soir, alors que leur, alors que leur linceul était tissé alors qu'ils ne le savaient pas. Et combien de petits et combien d'enfants auxquels on a espéré une longue vie alors que leurs corps ont été entrés dans les ténèbres de la tombe. Et combien de femmes mariées et combien de femmes fraîchement mariées qu'ils ont embellies pour son mari et leurs âmes ont été enlevées la nuit de noces. Et combien de personnes en bonne santé meurent sans raison et combien de malades longue est leur vie. وإذا حان الأجل حارت القلوب وحارت العقول ولن يستطيع أحد أن يتصرف لا أن يؤخر أجلا ولا أن يزيد عمرا قال الله تعالى في سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وما استثني أحد من الخلق في هذا القضاء النافذ وما استثني أحد منه بل القضاء على الخليقة كلها قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أي من قبلك يا محمد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وأخبر الله عز وجل سيد الأولين والآخرين أخبر الله عز وجل سيد أهل الكون سيد أهل الكون كله بقوله عز وجل له إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال الله عز وجل في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن ذكر الموت يهون مصائب الدنيا إذا ذكر الموت يعين على الطاعة والخير إن ذكر الموت يحجز إن ذكر الموت يحجز العبد عن الظلم والإجرام وإن ذكر الموت يذكر العبد ضعفه وعجزه فيحمله ذلك إلى طاعة ربه والتقرب إليه بما يرضيه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي والنسائي وغيره وهو حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات أكثروا من ذكر هادم اللذات ثم اعلموا أن تذكر الموت يزهد العبد في الدنيا ويرغبه في الآخرة إن ذكره للموت يجعله على صلة بربه وهو يعلم أن هذه الدنيا دار ممر فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Et lorsque le terme arrive et lorsque le moment propice est présent alors les cœurs sont perdus Les raisons perdent tout sens d'orientation et personne ne peut agir ni pour retarder celui-ci, ni pour augmenter sa durée de vie. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Waqi'a selon le sens, lorsqu'elle vient et lorsqu'elle atteint la gorge, c'est-à-dire l'âme, et qu'à ce moment-là vous regardez, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous qui êtes présent et qui assistez au dernier instant de celui qui s'apprête à mourir, Alors Allah Azzawajal dit, et que nous sommes plus proches de lui que vous. Allah Azzawajal est plus proche de lui que nous par sa science, par ses anges, subhanahu wa ta'ala, mais vous ne le voyez pas. Puis Allah Azzawajal lance un défi en disant, subhanahu wa ta'ala, pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, pourquoi donc, si vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir si vous êtes véridique? Si vous prétendez qu'après la mort il n'y a rien, si vous prétendez que vous ne devrez pas rendre compte de tous faits et gestes, vous qui prétendez cela, alors faites-la revenir, cette âme qui s'apprête à sortir et qui arrivait à la gorge, faites-la revenir afin que vous viviez plus longtemps si vous êtes véridique. Personne n'a cette capacité. Sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la mort, comme je l'ai dit, ne fait exception à personne. Allah Azza wa Jal dit à son envoyé alayhi salatu wa salam, et nous n'avons attribué à personne avant toi l'immortalité. Si tu mourrais, seraient-ce eux les éternels. Chaque âme goûtera à la mort. Et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a informé le maître des hommes, la meilleure créature qui ait marché sur terre, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla s'est adressé à lui en lui disant selon le sens, tu mourras certainement, et ils mourront, puis le jour du jugement, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans l'autre verset, selon le sens, et Muhammad n'est qu'un prophète qui a été précédé par d'autres prophètes. S'il était amené à mourir, s'il mourait, ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos talons? Sachez, chers musulmans et musulmanes, que de se rappeler la mort minimise les catastrophes et les peines que tu subis dans cette vie d'ici-bas. De se rappeler la mort aide le musulman à obéir à Allah et à courir vers le bien. De se rappeler la mort préserve le musulman de tomber dans le péché et d'offenser sa propre personne. Le rappel de la mort rappelle sans cesse à l'être humain qu'il est faible et qu'il ne vaut rien et que sa destinée sera la même que tous les autres êtres humains, à savoir qu'il est voué à disparaître. Ceci le poussera donc à adorer Allah Azza wa Jal et à se rapprocher de lui. Ainsi nous a conseillé de faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le hadith authentique, selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rappelez-vous beaucoup la destructrice des délices, ou le destructeur des délices, à savoir la mort. Cette mort qui, lorsque tu jouis des délices de cette vie d'ici-bas, et que tu te rappelles celle-ci, eh bien, elle donne à tous ces délices un goût amer et elle te met en face de la réalité qui est que tu n'as pas été créé pour cette vie d'ici-bas, mais que tu dois œuvrer pour celle de l'au-delà. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، تذكروا ما أنتم صائرون إليه من الموت وما بعده يوم تبعثون. تذكروا حالة الموت ومفارقة الأوطان والأهل والمال. أنتم على الآخرة مقبلون، وعن الدنيا وزينتها وعن الدنيا وزينتها مدبرون. تذكر أيها المسلم، إذا حملت على الرقاب إلى القبور وفارقت الأهل والولد والمال والقصور، جليسك في هذا اللحد عملك الذي عملت، فإما خيرا تزداد به فرحا وسرورا إلى يوم القيامة، وإما شرا تزداد به وحشة وسوءا إلى يوم القيامة. تذكروا أيها المسلمون، يوم ينقسم الناس عند تلك اللحظات إلى قسمين، فمنهم من تتوفاه الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، وقسم تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. تذكر يوم ينفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نقوم من قبورنا لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. تذكر أيها المسلم، ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، في ذلك اليوم الذي ينزل إلى فصل القضاء الكبير المتعال سبحانه وتعالى، ذلك اليوم العظيم الذي عظمه الله في كتابه وعظم أهواله ليكون واعظا لقلوبنا من غفلتنا ونسياننا وتفريطنا في حق ربنا. يوم مقداره 50,000 سنة، تدنو الشمس فيه من العباد حتى تكون منهم على قدر ميل، والناس في العرق متفاوتون على قدر أعمالهم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Rappelle-toi, cher musulman, rappelle-toi cette mort qui t'attend, et rappelle-toi le jour du jugement qui le succède. Rappelle-toi au moment de la mort, lorsque tu te sépareras de ton pays, de ta famille, de tes biens. Rappelez-vous que c'est vers l'au-delà que vous allez. Et rappelez-vous que c'est la vie d'ici-bas que vous délaissez. Rappelez-vous lorsque vous serez porté sur les épaules vers votre tombe, et que vous aurez séparé ou que vous aurez été séparé de vos familles, de vos biens, ton seul compagnon, dans ce trou étroit, sera tes œuvres. Si tes œuvres étaient bonnes, alors par celles-ci, tu seras joyeux, une joie qui viendra s'ajouter à ta joie, et ceci jusqu'au jour du jugement. Et si ces actes était mauvais, alors ce sera de la peine qui sera ajoutée à ta peine, et ceci jusqu'au jour dernier. Sache également, et rappelle-toi, chers musulmans et musulmanes, que au moment de la mort, les gens sont de deux parties. Il y a ceux dont l'âme sera prise par les anges en disant « Salut à vous », et d'autres, les anges viendront prendre leur âme, qui sera une âme offenseuse. Il dit subhanahu wa ta'ala: et si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes des mécréants, ils les frappent sur les visages et leur derrière, en leur disant: goûtez au châtiment du feu. Cela pour ce que vous aviez accompli, et Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Rappelle-toi ce jour où l'on soufflera dans la trompe et l'on soufflera dans la trompe, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, selon le sens, et l'on soufflera dans la trompe, et sera foudroyé, ou seront foudroyés, tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, sauf ceux qu'Allah voudra. Puis, l'on soufflera une nouvelle fois, et c'est alors qu'ils seront debout à se regarder. Un jour, dans lequel chacun d'entre nous se lèvera devant le Seigneur des mondes, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, le jour où les gens se lèveront devant le Seigneur des mondes. Un jour où tu te lèveras devant le Seigneur des mondes, en étant pieds nus, en étant nus, dévêtis et incirconcis, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, tout comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons, c'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. C'est une promesse d'Allah Azza wa Jal et Allah subhanahu wa ta'ala ne trahit jamais ses promesses et ne manque jamais à ses promesses subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi ce jour dans lequel l'ensemble des créatures, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains, seront tous rassemblés dans un seul et même endroit, un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala descendra pour juger entre ses serviteurs. Un jour immense qu'Allah Azza wa Jal a immensifié dans son livre. Allah Azza wa Jal a parlé des tourments de ce jour et que c'était des tourments terribles, pour que ceci soit une exhortation pour nos cœurs afin qu'ils se libèrent de leur insouciance, de leur oubli et de leur manquement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour long, un jour très long, dont la durée est de 50 000 ans. Un jour dans lequel le soleil descendra et se rapprochera des gens, commenceront alors à suer, et leur sueur sortira, et la quantité de leur sueur sera proportionnelle à leurs œuvres. Un jour immense, un jour terrible, un jour dans lequel l'homme se sauvera de son frère, il se sauvera de sa mère et de son père, il se sauvera de sa femme et de ses enfants. Chacun, ce jour-là, aura une affaire qui le préoccupera. Les gens qui étaient les plus aimés pour toi dans cette vie d'ici-bas, ton père, ta mère, tes enfants, eh bien, tu te sauveras d'eux le jour du jugement. Car tu ne seras préoccupé que par ton cas. Tu ne seras préoccupé que par ta destinée. Sera-t-elle en enfer ou au paradis? Fa'iyaka ayyuhal muslim. إياك أن تغرك الدنيا بزخارفها وغرورها، إياك أن تغرك الدنيا وتنسى الآخرة فتخسر الدنيا والآخرة، واهتم بآخرتك فإنها سعادتك في دنياك وآخرتك. تذكر ذلك اليوم وصحائف أعمالنا نعطاها، كل يأخذ صحيفة عمله، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، ويقول الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. إنها لأهوال عظيمة، ولو كانت على نصب أعيننا فتغيرت أحوالنا واستقامت أمورنا. ينصب الصراط على متن جهنم فنمر عليه، فمنا من يمر كلمح البصر، ومنا كالبرق، ومنا كأجاود الخيل والركاب، ومنا من يزحف زحفا، ومنا من يحبو حبوا، وعلى الصراط كلاليب، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تؤمر بأخذ من أمرت به، فناج مسلم ومخدوش ناج ومكدوس في نار جهنم. ومحمد عليه الصلاة والسلام ينادي: اللهم سلم سلم. Prendons garde à ce que à ne pas être tenté par cette vie d'ici-bas. Ne sois pas tenté par cette vie d'ici-bas et par la beauté qu'elle peut laisser apparaître. N'accours pas vers cette vie d'ici-bas en oubliant celle de l'au-delà, car si tu fais cela, tu auras perdu les deux vies, celle-ci et celle de l'au-delà, et donne de l'importance à ta vie future, car c'est une vie éternelle, et considère celle-ci comme une futilité. Et rappelle-toi ce jour où tu recevras ton livre. Chacun recevra le livre dans lequel ses actions ont été inscrites. Certains le prendront par leur main droite. Cela sera une bonne nouvelle pour eux. Et d'autres, leur livre leur sera donné par leur main gauche ou de derrière leur dos. Et ils diront, « Oh, si jamais, oh, si seulement je n'avais pas, oh, si seulement on ne m'avait pas donné mon livre, et si seulement j'avais la possibilité de ne pas connaître mon jugement. » Ce sont des tourments. Ce sont des tourments gigantesques que les tourments du jour dernier. Et si ces tourments étaient dans nos esprits sans cesse, eh bien, nos situations auraient changé et notre droiture serait plus prononcée. Un jour dans lequel un pont sera établi au-dessus de l'enfer, chacun devra le traverser. Certains le traverseront à la vitesse d'un clin d'œil, d'autres à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse d'un cavalier, d'autres marcheront à quatre pattes, et d'autres ramperont sur ce pont, et il y a à droite et à gauche de ce pont des crochets qui prendront ceux qu'Allah Azzawajal aura ordonné de prendre. Ainsi, certains s'en sortiront blessés, d'autres traverseront en étant sains et saufs, et d'autres seront plongés dans l'abîme de l'enfer, wal'iyadu billah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde, qui a peur pour sa communauté, et ce qui attriste sa communauté l'attriste aussi, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui veut notre bien et notre guider, sera présent sur le pont et dira, « Oh Allah, épargne, épargne. » فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كل سوء ومكروه اللهم اجعل تلك الأمور نصب أعيننا اللهم من علينا بالاستقامة والهدى اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.